présenter la nouvelle formation Mickey Mickey 80 et sa grande vedette, Mavos Mémé. Depuis l'année passée, j'ai eu Kizungu Zungu. Oh, pitié, bah, je suis isolé. Sidonie à maman, moi j'ai pensé à toi. Le mariage, ma belle, n'était pas jamais prévu. Et qui nous fait tout cela? Depuis l'année passée, j'ai eu Kizungu Zungu. Oh, pitié, bah, je suis isolé. Sidonie à maman, moi j'ai pensé à toi. Le mariage, ma belle, ne t'est pas jamais tribu. C'est l'éloigné, ma chérie, qui nous fait tout cela. Konayo mama, bato bani mite, sherite. Jamais ça n'a